Chapitre 17e, le fer. À son tour, cependant, il s'apprêta à partir pour regagner son logis et machinalement se secoua, rajusta son pourpoint. Il poussa un cri. Une émotion fulgurante venait de l'étreindre. Tâtant le côté gauche, il venait de s'apercevoir qu'il n'avait plus l'étui de cuivre dans lequel était enfermé le placard du roi de Navarre. Ce papier, qui était le but même de sa mission à Rome, Belcoeur ne le possédait plus. Perdu, volé. Volé par qui? Pas une seconde, il faut le reconnaître, Roselin n'eut la pensée que Johanna avait pu s'en emparer. Et pourtant, elle seule l'avait approché d'assez près pour que le vol fût possible. Non. Alors perdu. Et brusquement, le capitaine se rappela qu'il avait perçu un bruit métallique au moment où il dégrafait son pourpoint dans la chambre embrasée. Pas de doute, l'étui était tombé là, et la réponse du roi Henri restait dans le pavillon incendié. « Je vais aller le chercher, » se dit Belcoeur. L'idée était folle, d'une témérité démente, mais ce fut la seule qui se présenta à l'esprit du baron, et tout de suite aussi, il l'exécuta. Revenir par le pont Adrien et se présenter à la porte de l'établissement de Numa Perfecto, il n'y fallait pas songer. Ce serait aller se jeter dans la gueule du loup. Le tenancier devait être là, et point seul, certes. D'autres, des estafiers du marquis, des complices de Numa, se trouvaient là-bas aussi, certainement, attendant que l'incendie eût décru pour aller retrouver les restes consumés de Roselin et de son amante. Il n'y avait donc qu'un seul chemin, le Tibre. « Parbleu, je le connais, ce chemin !» ironisa Givry. « J'en viens, j'y retourne, voilà tout !» Et sans plus hésiter, il se jeta dans le fleuve et nagea vers les bains de Perfecto. Il eut au fait de traverser le Tibre et atterrit au même endroit d'où il s'était sauvé en portant la comtesse évanouie. L'incendie continuait son œuvre dévastatrice. À présent, le plafond de l'étage s'était effondré à son tour, et par les fenêtres béantes, privées de leurs volets, Belcoeur put voir que l'intérieur du bâtiment n'était plus qu'un immense foyer. « Diable, il faut se dépêcher » murmura-t-il. Vivement, il enjamba la fenêtre du rez-de-chaussée et entra dans la fournaise. D'abord, il chercha sur le sol de la pièce du bas. Peut-être l'étui était-il tombé par le trou. Les flammes donnaient une clarté aveuglante et la chambre était nue, tout le mobilier ayant été entassé au milieu. Le capitaine ne vit rien. « Bon, se dit-il, l'étui est resté là-haut. » Mais une difficulté se présentait, grave, presque infranchissable. Comment arriver à l'étage? Soudain, Roselin aperçut le guéridon de marbre qui meublait la chambre d'amour. Il était tombé au moment où le plancher s'effondrait. Le feu l'avait seulement chauffé et noirci, mais le cadre en fer était intact. Le capitaine remit le meuble sur ses pieds et grimpa dessus. Ce n'était pas suffisant pour atteindre le plafond, quoique ce dernier fût assez peu élevé. Belcoeur regarda autour de lui. Une immense poutre calcinée tombée à terre attira ses regards. « Hé, voilà ce qu'il me faut !» Il tira son épée et, de coups rapides, pratiqua des entailles assez larges le long de la poutre, à 20 doigts de distance l'une de l'autre. Le bois, attaqué par le feu, se laissait facilement entamer. En quelques minutes, le capitaine eut terminé sa besogne. La solive, maintenant, montrait une sorte d'escalier rudimentaire sur une de ses faces. Bien entendu, Roselin ne l'avait pas achevé sans se brûler sérieusement, le bois étant encore en flammes. Mais peu lui importait. Il prit la poutre entre ses bras, la hissa sur le guéridon, et l'accota contre le plafond en lui faisant traverser le trou béant. Cela fini, il se mit en demeure d'escalader son échelle de fortune. Il était obligé, en gravissant chaque degré, d'étreindre entre ses bras la poutre branlante et brûlante. L'eau qui ruisselait de son costume éteignait les flammèches qui dévoraient le bois. « Cela séchera mon habit !» grommela Roselin. Enfin, il parvint au plancher de l'étage. Il dut chercher parmi les décombres de pierres, de plâtras, de poutrelles, calcinées tombées du toit. Mais il se souvenait qu'il se trouvait près du divan lorsqu'il avait perçu le bruit d'un objet tombant à terre. Il explora là. Bientôt son épée, dont il s'aidait pour écarter les planches embrasées, heurta un objet dur qui roula sur le parquet. « Ah !» s'exclama Roselin, triomphant. « Voilà l'étui !» Une minute après, il tenait l'objet désiré, un peu chaud, mais Belcoeur n'y prit pas garde, tout au plaisir d'avoir recouvré son bien. Il se préparait à redescendre lorsqu'il lui sembla percevoir un bruit de voix. « Morbleu ! » se dit-il. « Voilà les corbeaux qui arrivent. Tête et ventre, s'ils s'attendent à trouver ici des cadavres, je vais les détromper, moi. » Il prêta l'oreille et n'entendit plus rien. Croyant s'être trompé, il redescendit, toujours par le moyen de la poutre entaillée. Une fois au bas de son échelle improvisée, il s'arrêta, demeura attentif, immobile. « On a parlé, » murmura-t-il. Vainement encore, il écouta. Plus rien. Alors Roselin se décida au départ. Qu'avait-il à faire là, désormais? La nuit était tombée. Ses compagnons devaient s'inquiéter de lui. L'incendie venait de mourir. Les décombres fumaient abondamment, mais les flammes diminuaient, et il n'y avait plus que de sinistres craquements, des pétillements, qui faisaient jaillir des gerbes d'étincelles. Belcoeur franchit la même fenêtre et, sur le bord du fleuve, s'arrêta encore. « Par exemple, » fit-il, « aurais-je des tromperies d'oreilles? On parle par ici, sur ma part de paradis. » Il regardait vers la gauche, du côté des bains. Les baraques en bois, construites sur pilotis, avaient été épargnées par le feu. Seule une galerie qui les reliait au pavillon s'était effondrée ou avait été abattue volontairement pour préserver les constructions voisines. La rumeur de voix semblait venir de là. Belcoeur essaya de distinguer quelque chose. La nuit était déjà trop opaque et l'amas de planches et de plâtras pouvait dissimuler ceux qui parlaient. « Allons, » se dit Roselin, « rentrons !» Et il plongea dans le fleuve. À peine sa tête revint-elle émerger de l'eau que sur le bord du Tibre, des cris retentirent venus des bains de Numa. « le voilà, c'est lui !»« Je savais bien, » pensa Givry, satisfait de voir que ses oreilles ne l'avaient pas trompé. « à mort !» hurla une voix. « Viens-y, » ricana Roselin. Il tenait son épée nue dans la main et nageait tranquillement. Tout à coup, du haut d'une des barques de bois, un cor tomba à l'eau et Belcoeur entendit peu après les brassées d'un nageur tout proche de lui, qui s'avançait encore. Et presque aussitôt, il distingua une teine brune dont les yeux brillaient comme ceux d'un chacal ou d'une hyène. Givry ralentit encore son allure et s'arrangea pour rester face à face avec ce nageur dont les intentions ne lui paraissaient pas douteuses. L'homme prit soin de le prévenir d'ailleurs. « Un démon » cria-t-il. « Tu as échappé au feu. Tu n'échapperas pas au fer, ni à l'eau. Foi de Procopio, mon patron. »« Ouais, » ricana Roselin, « il ne faut jurer de rien. À mort !» gronda l'autre. Il était maintenant à deux brasses du capitaine. « Alors, » fit ce dernier, « c'est l'excellent seigneur, Procopio ?»« Oui, c'est moi, » grinça l'autre. « Je vais te renvoyer au diable, d'où tu viens ?» Sa main droite jaillit de l'eau, se dressa, et un éclair luisait à son poing. Il tenait une dague, dont il frappa vers Belcoeur. Celui-ci, qui avait vu la lueur de la lame, se jeta de côté et l'arme ne trouva que l'onde. « Manqué !» fit le baron. Levant son épée, il frappa son tour. L'écu de Porto Carrero guaya. « Coup d'épée dans l'eau ! Vous êtes donc armé, mon maître ? Bah, tu l'es bien, toi !» riposta Roselin en riant. « Alors ce sera un duel. Attention, nous ne sommes pas dans les jardins de Pau, ici. » Cette réplique fut un trait de lumière pour Belcoeur. « Je vais te servir comme là-bas, » dit-il. L'homme le voyait traîtreusement autour de Givry. Soudain, il leva la main droite. Belcoeur étendit son épée pour parer le coup, mais au même instant, Procopio le frappa avec sa main gauche qui tenait à présent la dague. Il avait opéré cette substitution d'une main à l'autre, sous l'eau, sans que Givry s'en aperçût, et il attendait un résultat décisif de sa ruse. Mais Roselin n'avait été que légèrement atteint à l'épaule. « Touché !» déclara-t-il. Et faisant dans l'eau une volte-face agile et rapide, imprévue, il se trouva sur le côté de l'Italien et lui asséna un coup d'épée horizontalement, un magnifique coup d'estoc en tierce. L'acier pénétra dans le flanc de l'écuyer de Porto Carrero qui pousse un cri de rage et Givry se dit « Ah ah, c'est mal, seigneur Procopio. Vous n'accusez pas les coups reçus. J'ai touché cependant. »« Paquino !» clama l'autre. « Je te tuerai !» Furieux, il engagea un combat presque corps à corps avec Roselin. Leurs mains cherchaient à s'agripper, leurs armes se dressaient, frappaient, faisant jaillir l'eau autour d'eux. Ils tournaient, reculaient, se lançaient l'un sur l'autre, évoluaient avec une maîtrise inouïe dans le fleuve, au milieu de la nuit qui s'alourdissait. Par instant, de la rive, une flamme s'élevait du pavillon incendié et éclairait d'une lueur rougeâtre ce duel terrifiant dans les flots du Tibre. Cependant, Givry se sentait faiblir. Toutes les émotions et les fatigues de ces dernières heures, et aussi la blessure sur l'épaule, diminuait sa résistance. Justement, l'Italien venait de lui porter un rude coup de dague. L'arme avait atteint Givry à l'aisselle. La lame était passée entre le bras et le torse, déchirant les vêtements, mais l'écuyer pouvait penser avoir blessé gravement son adversaire. Il le crut en effet car il poussa un cri de joie, cri féroce, qui se changea en hurlement de triomphe, quand il vit Belcoeur s'étendre et couler à pic dans le fleuve impassible au drame qui l'enveloppait. Mais soudain le hurlement de triomphe s'acheva en une exclamation de terreur et de détresse. Roselin avait faim de couler, et plongeant, il venait de passer sous le corps de Procopio et de lui plonger dans le ventre la pointe de son épée fidèle. Pour mieux frapper, il avait saisi l'arme par le milieu de la lame, s'en faisant ainsi une sorte de poignard. Le coup était décisif. Procopio renversa la tête en arrière, ses bras mous et sans vie enfoncèrent dans l'eau, et tout le corps fut agité de soubresauts mortels. Belcoeur s'était éloigné, par crainte d'une ruse semblable à la sienne, mais l'autre ne songeait point à y recourir. S'il n'était pas mort sur le coup, il n'en valait guère mieux, et le tigre se chargerait de changer en noyer, le blessé évanoui. Délivré, Roselin poussa un soupir d'allègement et remercia mentalement le seigneur d'avoir échappé à ce duel formidable. Il nagea vers la rive opposée au bain, y aborda, et sans prendre le temps de se reposer, il se hâta vers le logis. Un quart d'heure plus tard, il dormait comme un ange.